cerveau, c'était moi. C'est la combine. Et le cœur et l'argent. Quand un client venait, je rampais hors du lit. Et j'allais boire un pot, ils étaient très polis. Quand il casquait, je lui disais: monsieur, si le cœur vous en dit, allez, ne vous gênez pas. Et j'ai connu si grand mois de bonheur en ce bordel où tenions notre je lui criais: fous-moi le camp, j'en ai assez. Il m'allongeait alors des marrons sans douceur. Il me laissait en un bien triste état. Et j'ai connu si grand mois de bonheur en ce bordel où teignons notre état. Ce temps-là, il y a bien longtemps, on peut bien dire que c'était le bon temps. On se contentait de s'aimer à mi-temps, puisque la nuit, elle traitait nos clients. On s'aime, et pourquoi pas le jour? Et puis un beau matin, je me suis retrouvée grosse. Il a fallu qu'on invente bien d'autres tours pour assurer un avenir à notre gosse. Malgré nos soins, un soir, elle avorta. Ainsi passaient les plus beaux de nos jours. Ce bordel où tenions notre état. Cette boîte. Personnage, chère madame. Où c'est, monsieur Mackie? Mon mari dit toujours que les plus grands héros de l'histoire ont trébuché sur le seuil de maison comme celle-ci. Oui, je vais demander des nouvelles de monsieur votre mari. Il se sent mieux. Malheureusement, il vous faut maintenant prendre congé de ces aimables dames. Alors, messieurs, conduisez ce monsieur à son nouveau domicile. Madame, si vous voulez lui rendre visite, vous le trouverez toujours chez lui. À partir d'aujourd'hui, monsieur habite à la prison centrale. Je savais bien qu'il serait encore en train de traîner chez cette putain. C'est moi qui réglerai l'addition. Mesdames. Bonsoir. Dis donc, Jacob. Hein? Il s'est passé quelque chose? Mais où donc est Mac? La police est venue. Oh, et moi qui lis, qui lis? Oh, mes aïeux! Les hommes ne l'attrapent pas. Ah, bon Dieu! Je voudrais qu'ils soient en train de galoper à travers les marais de Highgate. Rapport ça à son Jackie. Mais il est si négligent. Comme tous les grands hommes, d'ailleurs. Ah, bon Dieu! S'il me l'amenait ici et s'il me regardait avec ses bons yeux de chien fidèle, ah, je pourrais pas le supporter. Enfin, Dieu merci, il fait un beau clair de lune comme ça s'il était en train de galoper à travers les marécages. Il ne perdra pas son chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon Dieu, chez lui. Alors, la quête? Voici le retour dans notre ancienne résidence. Oh! Mac! Oh! Oh, ce n'est pas moi, tu sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je ne me regarde pas comme ça, Mac. Je peux pas supporter ça. Ton regard est effrayant. Ça suffit comme ça, toi ! Te crois pas obligé de tirer sur la corde ! Cochon ! Un mec, dis-moi quelque chose. Dis quelque chose à ton pauvre Jackie. Dis-moi un seul mot, ne me laisse pas tout seul en ce sombre. Ne me pas juger digne d'une seule parole. C'est le pauvre Broad. La mauvaise conscience incarnée. Et ça veut être chef suprême de la police. J'avais d'abord pensé l'engueuler, puis je me suis dit, attends qu'un regard profond et plein de reproches le démolirait plus sûrement encore. Ça n'a pas manqué. Je l'ai regardé, il s'est mis à pleurer amèrement. C'est un truc que je tiens de la Bible. Monsieur le gardien, avec votre aimable autorisation, j'aimerais en avoir de plus confortable. Eh, bien entendu, capitaine. Nous en avons pour toutes les bourses. Tout dépend de ce que vous comptez y mettre. Cela va de 1 à 10 shillings. Et pour ne pas en avoir du tout? 50. 50. Le plus grave, c'est que cette histoire avec Lucie va se savoir. S'il prend la banque, j'ai fricoté derrière son dos avec sa fille et sous couvert de son amitié, alors là, il se métamorphosera vraiment en tigre. Oui, que mon fait son lit, mon se couche. Je suis sûr que cette garce est déjà derrière la porte en train d'attendre. Nous allons avoir de belles...